Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte à BO. Vous en avez pris l'habitude, chaque semaine nous allons revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons passer ensemble une demi-heure pour écouter de très belles bandes originales, toujours en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, quel est le programme du jour? Alors au programme aujourd'hui, nous avons choisi des films dans lesquels on retrouve des chansons que nous connaissons tous. Alors ces morceaux vont être l'occasion de vous présenter par exemple American Gigolo, Un monstre à Paris, Into the Wild et encore bien d'autres films. Eh bien parfait Francine, nous retrouvons donc cette émission de la boîte à BO spéciale meilleures chansons et retrouvons-nous dans quelques instants. Alors, commençons par la séquence BO culte avec le film Into the Wild, un film de Sean Penn, donc sorti en 2008. Alors, le film était l'histoire vraie. En avril 1990, Christopher McCandless termine ses études universitaires. Il a 22 ans et il est promis à un brillant avenir. Mais pourtant, il tourne le dos à l'existence confortable et sans surprise qu'il attend, coupe les ponts avec sa famille et décide d'aller bourlinguer. Il change de nom et devient Alex Supertramp. Il s'installe dans un bus, Magic Bus, et Christopher va rencontrer des gens très divers sans pourtant s'attacher à eux. Au bout du voyage, il s'aventure seul dans les étendues de l'Alaska où il meurt de malnutrition et son corps est retrouvé en 1992. Alors oui, c'est en effet un film qui m'a beaucoup marqué parce qu'il était très très émouvant. Mais sait-on pourquoi Christopher McCandless a pris une telle décision? Eh bien, la sœur de Christopher McCandless écrira plus tard un livre pour expliquer en effet la décision de son frère. Leur mère avait clairement fait savoir qu'il était un enfant non désiré. Son père était tyrannique et violent et Christopher était persuadé que si toute sa famille souffrait, c'était de la faute de sa naissance. Et c'est Eddie Weeder, chanteur du groupe Pearl Jam, qui a composé donc la bande originale du film. Il avait accepté de participer au projet avant même d'en connaître l'histoire. Et à cette occasion, il a décroché le Golden Globe 2008 de la meilleure chanson. Donc écoutons donc cette chanson Society, composée et chantée par Eddie Weeder. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Thinking more or less. guess less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Alors, on continue sur une BO animation avec un Monstre à Paris réalisé par Bibo Bergeron et sorti en 2011. Le film se déroule dans le Paris inondé de 1910. Un monstre sème la panique. Traqué sans relâche par le redoutable préfet Ménotte, il demeure introuvable. Et peut-être que sa meilleure cachette pourrait être dans un cabaret, l'Oiseau Rare, où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé. Alors le film a été récompensé en 2012 par deux Césars, meilleur film d'animation et meilleure musique. Et oui Francine, meilleure musique, et c'est tout à fait mérité. Il faut dire que ce film marque une nouvelle étape dans la très fructueuse collaboration entre Vanessa Paradis et Mathieu Chédid. Mais oui, suite à leur rencontre à la fin des années 1990, les deux amis ont en effet collaboré sur deux albums, une tournée et enfin une comédie musicale pour enfants, Le Soldat Rose. Le doublage d'un film musical pour enfants apparaît donc presque comme une progression logique. Alors, la bande originale est composée par Mathieu Chédid. Écoutons donc la chanson de la scène, duo entre Mathieu Chédid et Vanessa Paradis. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sous, Paris est sous. La scène. Je ne sais, Voilà, vous êtes bien sûr Radio Fadjet, c'est donc bien sûr la boîte à BO. Nous avons consacré cette semaine une émission spéciale sur les meilleures chansons que vous allez retrouver donc dans les films. Et là, c'était bien sûr Vanessa Paradis, donc pour un monstre à Paris. Alors, on va continuer avec une BO aventure avec Robin des Bois, Prince des voleurs, un film de Kevin Reynolds sorti en 91 avec Francine Lebeau. Kevin Costner. Et oui, dans le rôle de Robin des Bois. L'histoire, tout le monde la connaît car impossible de comptabiliser l'ensemble des versions cinématographiques sur le mythe des Robin des Bois, sans même parler des feuilletons et autres séries destinées à la télévision. Alors, on estime qu'avant la sortie de Robin des Bois, Prince des voleurs, une trentaine de films ont été réalisés autour de ce célèbre personnage. Alors, le film a connu un très important succès commercial, rapportant près de 400 millions de dollars au box-office mondial. Alors, la bande originale a été composée et orchestrée par Michael Kamen. Et dans ce film, en effet, une chanson a retenu tout particulièrement notre attention. Il s'agit bien sûr de la chanson écrite donc, et interprétée par Bryan Adams, Everything I do it for you. Alors écoutons cette très belle interprétation de Bryan Adams. Into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not everything I do it for you. Look into your eyes. Take me as I am. Take my life. You know it's true. Everything I do. Alors c'était Bryan Adams pour le film Robin des Bois, Prince des voleurs. Alors maintenant passons à la BO comédie avec American Gigolo, un film de Paul Schrader sorti en 1980. Le film se déroule à Los Angeles où un homme loue ses services à des femmes esseulées. Julianne Kay, interprétée par Richard Gere, qui est jeune et beau et qui aime les beaux vêtements, les belles voitures. Il est aussi le gigolo le mieux payé de tout Hollywood. Un soir, une femme comptant parmi ses clientes est retrouvée morte à Palm Springs. Tout l'accuse car il n'a pas d'alibi. Le succès remporté par ce film, sans grande prétention, fut assez retentissant en 1980. Il était porté par des images léchées, une peinture sans complaisance de l'environnement clinquant, typique de l'époque à Los Angeles, selon un style propre à Paul Schrader. Le film a bénéficié d'une bande sonore composée par Giorgio Moroder. La séquence d'introduction dévoilant peu à peu Julian fonçant dans son cabriolet alors que Call Me, interprété par Blondie, débarre au même rythme effréné. Donc on écoute tout de suite Blondie, Call Me. Come on. Voilà, c'était Blondie pour, avec la chanson Call Me pour le film American Gigolo. Alors maintenant, on va passer au BO espionnage avec le James Bond Mourir peut attendre, un film réalisé. Alors, Francine, excuse-moi si j'écorche effectivement le nom du réalisateur ou de la réalisatrice. Je pense qu'un réalisateur, Kari Joji Fukunaga. C'est ça, voilà, parfait. Hein. Alors, dans Mourir peut attendre, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Félix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide. Il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. Alors c'est le dernier James Bond avec Daniel Craig, né en 1968. Daniel Craig est le troisième acteur le plus âgé à jouer James Bond. Roger Moore avait environ 57 ans pour Dangereusement Vôtre, qui avait été tourné en 85, et Sean Connery, 53 ans, quand il a repris Jamais plus jamais. Alors, je crois et pour la voiture de James Bond, Jérôme, c'était toujours une Aston Martin. Alors tout à fait, Francine, le James Bond conduit bien, donc conduit pour la toute première fois une Aston Martin électrique. Effectivement, il s'agit plus précisément d'une Aston Martin DB5 qui a été reconstruite après Skyfall et qui était revenue dans le film Spectre, hein, donc de 007. Alors la BO du film a été interprétée, écrite par plutôt Hans Zimmer, et il travaille les arrangements musicaux de No Time to Die, la chanson interprétée par l'américaine Billie Eilish, qui succède ainsi aux Britanniques Adele et Sam Smith pour interpréter le thème de James Bond. Et donc à 18 ans, eh bien, elle devient la plus jeune artiste de l'histoire à écrire et chanter le titre principal d'un film de la saga 007. Et à noter que Beyoncé avait été un temps pressentie. Alors écoutons sans plus attendre Billie Eilish pour le titre, No Time to Die. I should have known I'd leave alone, just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I avec une BO émotion pour le film Ne t'en fais pas, je vais bien, un film de Philippe Lioré sorti en 2006 dans lequel on retrouve Cadmerat et Mélanie Laurent. En rentrant de vacances, Lily, 19 ans, apprend par ses parents que Loïc, son frère jumeau, suite à une violente dispute avec son père, a quitté la maison. Loïc ne lui donnant pas de nouvelles, Lily finit par se persuader qu'il lui est arrivé quelque chose et part à sa recherche. Alors, le film totalise 5 nominations au César et en décroche 2, César du meilleur acteur et dans un second rôle pour Cadmerat, et César du meilleur espoir féminin pour Mélanie Laurent. Le groupe qui a composé la chanson phare « Je vais bien, ne t'en fais pas » intitulée « U-turn », Lily dans le film, s'appelle Aaron. Leur premier album doit sortir en septembre 2006. Aaron a été récompensé pour sa musique par un Energy Ciné Awards en 2007. Donc écoutons ce magnifique morceau « U-turn » de Aaron. Et Francine, pour ceux qui n'ont pas vu effectivement le film, je conseille vraiment un film magnifique. Tout à fait, ne t'en fais pas, je vais bien. Ouais. Franchement. Volontairement, je n'ai pas donné la suite de l'histoire. C'est un film magnifique. Ouais. Allez, on écoute tout de suite donc, la bande originale de ce film. Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, there's still a place for people like us. The same blood runs in every hand. You see, it's not the wings that make the angel. You just have to move the bats out of your head. For every step in any walk, any time of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, easy as a kiss will find. Voilà, c'est sur cette magnifique interprétation de Aaron pour le film Ne t'en fais pas, je vais bien, que l'émission se termine. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pris plaisir de découvrir ou de réécouter certaines chansons qui ont été donc interprétées pour des bandes originales de films. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le site Facebook de Fadjet et puis de nous faire part de vos BO coup de cœur. Eh bien, Francine, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Mais bien sûr, comme toujours, à la semaine prochaine. Fidèle, toujours fidèle au poste. Allez, passez une bonne semaine et d'ici là, portez-vous bien. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide.